Cet après-midi solitaire passe, je ne te trouve pas. Jadis, je t'enlaçais près du parc tendrement, tes mains mêlées aux miennes, je te guidais à travers des quartiers en lutte silencieuse, près des cébas drapés de mousse, la rosée envolée inonde mes cils. L'automne s'éteint et sous mes pas, les feuilles mortes craquent au gré de la nostalgie. Ta jalousie, l'arsenal de mes chagrins, tes colères, l'absence la plus vague, tant de jours d'amour qui s'éloignent, et l'icônier d'une forêt réduite en cendres, un monde récent contre mon amour constant. Des exploits qui volèrent nos battements doux, tu ne sauras jamais mon malheur entrepris. Regretter dans tant de champs cultivés, tant aimé, étrange et tant regretté. Ici, hier, maintenant, incertaine, à Saint-Gilles, ville de marécage, le plus froid de tous les paysages, peuple sans défense, entassé, agressif, l'image où toutes les images convergent, nos baisers s'achevèrent dans les égouts, au murmure d'elles, toutes proches. Tu étais là.